Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec l'Allon des Ondes. Très content d'être là. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba. CFRG Gravelbourg, Saskatchewan. CILS Victoria, Colombie-Britannique. Et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec le bloc, la deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario, avec tout simplement M. Édouard Landry, qui sera en spectacle pour célébrer les 40 ans du Conseil des arts de Hearst. C'est le 21 septembre prochain, et on va l'entendre avec tout simplement son grand succès, Loin de Montréal, excellente chanson que j'adore énormément. On va entendre aussi Bernard Côté, qui lui, écoutez, c'est phénoménal. Sa chanson « J'irai où ça me mène » tourne intensément du côté des États-Unis. Et oui, des États-Unis, mesdames et messieurs. Donc, très content pour Bernard Côté. On va entendre justement cette chanson-là dans quelques instants, où j'irai où ça m'amène. Mais juste avant, voici Édouard Landry, Loin de Montréal. Sur le Mont-Royal, c'est moi qui t'accompagne aussi loin de Montréal. Moi qui veux rester, dis-moi pourquoi, dis-moi comment suivre le cœur ou suivre l'argent, dis-moi pourquoi, dis-moi comment, quand tous nos plans s'envolent dans le vent. Et les meilleurs moments, on doit découvrir ce qu'on a droit devant. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment suivre le cœur ou suivre l'argent. Dis-moi pourquoi. Sur le Mont-Royal, c'est toi qui m'accompagne aussi loin de Montréal, aussi loin de Montréal. Même si je ressens les clous au creux de ma main, comme un loup je hurle au bout de mon chemin, je reprendrai ma route, je reprendrai ma route sans aucun doute. Même si j'entends les cris lointains comme une meute de gens qui cherchent en vain, je reprendrai ma route, je reprendrai ma route sans aucun doute. J'irai où ça me mène, au plus profond de moi-même, pour soigner mes peines, détacher mes chaînes. Là où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène. Même si je regarde ce qui reste en arrière, je ne peux pas revenir dans ce cimetière. Je reprendrai ma route, je reprendrai ma route sans aucun doute. J'irai où ça me mène, au plus profond de moi-même, pour soigner mes peines, détacher mes chaînes. Là où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène. Je reprendrai ma route, je reprendrai ma route sans aucun doute. J'irai où ça me mène, au plus profond de moi-même, pour soigner mes peines, détacher mes chaînes. Là où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène, où le vent m'emmène, j'irai où ça me mène. Né dans une baraque dans la cité de la honte, son père est un déserteur, aucun roman ne le ronge. Il est mort d'une attaque, le monde c'est ce qu'il raconte. Mais son père est quelque part, le monde vit dans le mensonge. La route sera longue, la route sera longue. Le grand-père fait office et joue le rôle du mentor. Jette un peu de lumière dans le cœur du petit homme. Mais le danger le guette, les drogues et la mort. Mais il tient bon pour devenir un homme. La route sera longue, la route sera longue, la route sera longue. Se prendra main, oui, se prendra main. La route sera longue. de ses grands frères, décidé à rompre le silence, à la recherche de son vieux qui vivait dans l'opulence. Des retrouvailles brèves pour le pauvre gamin, et pourtant son sang est le sien. Mais demain, il sera seul au monde, comme au premier jour, comme au temps des orphelins. Mais demain, il devra sauver le monde et se prendre en main. Oui, se prendre en main. La route sera longue. La route sera longue. Michel Russell de Québec, un gars que j'aime bien. J'adore son univers. Vous pouvez découvrir son univers en allant sur le michelrussell.com. Il est aussi un excellent peintre. Il fait de très beaux tableaux. Donc, très content de vous dire qu'il sera en première partie de l'Orange d'Albert le 11 octobre prochain du côté de l'Impérial de Québec. Donc, très content pour lui. Ça va être une belle gig, beau spectacle. Donc, Michel Russell à découvrir. Ça nous amène à notre bloc instrumental, 15 minutes environ de musique instrumentale. Et c'est avec grand plaisir que je vous offre cette semaine M. Sean Ferguson, la pièce titre de son dernier album, Résilience. Si je ne me trompe pas, il était encore à faire quelques spectacles du côté de la France et aussi peut-être en Allemagne. Donc, ça va très bien pour lui depuis cet album-là. Il se promène pas mal. Sean Ferguson, c'est un guitariste là, virtuose acadien de la péninsule acadienne, je me souviens bien. Donc, à découvrir absolument. On va entendre Résilience. On va entendre également de Toronto, Éric Saint-Laurent, qui lui aussi est très bon guitariste. On va entendre la pièce What Would Steve Gadd Do? Excellente pièce aussi. Je sais qu'il a sorti un album au printemps, là, fin février, si je ne me trompe pas. Un album de standard jazz. Donc, je vais essayer de voir si je peux mettre la main là-dessus. Je ne suis pas certain. On va terminer ça avec tout simplement Louis Trudel, qui est un gars de la région de l'Outaouais, qui a sorti déjà presque 2 ans, sinon plus, l'album Ouverture, sur lequel j'ai choisi la chanson Souvenir, mais il y a de très bonnes chansons sur cet album-là. Louis Trudel, qui a joué avec plusieurs artistes, entre autres Richard Séguin, avec Sylvia Robero et tout de l'Outaouais. Donc, très bon guitariste. Et il nous avait proposé un album jazz. Vraiment, là. Mais un jazz plus genre usé, plus jazz fusion que M. Éric Saint-Laurent ou encore Sean Ferguson. Mais quand même, à découvrir. Faites Louis Trudel sur Facebook et vous allez découvrir absolument un gars génial. Mais comme je vous disais, on va commencer ça avec un Acadien exceptionnel également, qui est un virtuose de la guitare, qui se promène pas mal en Europe ces temps-ci, M. Sean Ferguson, et on va tout simplement y aller avec la pièce titre de son deuxième album que vous pouvez vous procurer via Distribution Plage, www.plage.net. Voici Sean Ferguson et Résilience.